السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة عفوا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous sommes vendredi, pardon, nous sommes samedi. Nous sommes samedi, le 17 Dhul Hijjah, 1427, c'est-à-dire le 6 janvier 2007. Nous sommes dans la Aqida bi'idhn azza wa jal, dans le 18e cours. Le mu'allif, alayhi rahmatullah, Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, alayhi rahmatullah azza wa jal, يقول بل يؤمنون بالله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السامع والباصر. Il dit que Al-Sunna wa Jama'a, c'est-à-dire croit en Allah subhanahu wa ta'ala que rien ne lui ressemble. وهو السامع والباصر. En même temps, c'est l'audience et c'est le clairvoyant. En même temps, c'est l'audient et c'est le clairvoyant. Je profiterai pour dire, comme révision, que ce verset, yani, il est court certes, mais yani, il renferme au moins deux choses, yani, deux armes puissantes contre deux sectes égarées. La première, qui dit que Allah Azza wa Jalla ressemble aux créatures, c'est-à-dire ceux qui font l'anthropomorphisme et la ressemblance, on le répond avec le début du verset. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Et quand il a dit Allah Ta'ala, wa huwa as-sami'u al-basir, c'est la deuxième arme pour frapper qui? Pour frapper ceux qui disent que donc il n'a pas d'attribut. Donc il n'a pas d'attribut. Astaghfirullah, c'est comme une statue. La statue, elle n'a pas d'attribut. Elle n'entend pas, elle n'écoute pas, elle ne marche pas, elle ne boit pas, ne fait rien. Elle n'a aucun attribut. Donc, Allah Azza wa Jalla, on répond avec la fin du verset, c'est-à-dire, wa huwa as-sami'u al-basir. Il a dit qu'il était celui qui entendait et celui qui voyait. Donc, il s'est décrit ici au moins avec deux attributs. À point. Lorsque Cheikh Islam a dit, bel yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, yu'minun, il veut parler de Al-Sunna al-Jama'a. Ils ont ça dans leur cœur. Ils ont noué dans leur cœur. Minouna, yani, imanan qati'an. Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, li samikamikliché. Que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Ensuite, il a dit, kama qala an nafsih, li samikamikliché, wa sami al-basir. Comme il s'est dit de lui-même. C'est Allah ta'ala qui s'est dit de lui-même. Il a dit que rien ne lui ressemble, c'est lui l'audient et le clairvoyant. Fahuna nafal mumathala. Isla subhanahu azza wa jal a éloigné de lui la ressemblance. Et atbata sam'u al-basar. Et il a maintenu quoi? Qu'il est l'audient et qu'il est le clairvoyant. Fa nafal aib, Allah azza wa jal a éloigné de lui le défaut. Thumma atbata al-kamal. Et il s'est décrit avec la perfection, avec la perfection. Et il n'a nafi l'aïb qabla itbat al-kamal. Parce qu'en principe, quand on veut par exemple vanter quelqu'un, ou la vanter ses mérites, ou le louer, ou là, qu'est-ce qu'on commence? On commence d'abord par quoi? Par éloigner le défaut, et ensuite on le décrit avec quelque chose, par exemple, qui est beau, ou là, quelque chose qui est une chose qui est belle, ou là, une chose qui a de la valeur. Donc on commence d'abord par quoi? Par enlever le défaut, et ensuite, c'est-à-dire on commence par le négatif, ensuite compenser le positif. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait dans ce verset. Il a dit, il s'est éloigné de lui les défauts, il a dit, je ne ressemble à aucune créature, je ne ressemble à rien. Rien ne lui ressemble. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a enlevé le défaut, le négatif, ça c'est le négatif. Rien ne lui ressemble. Ensuite, c'est le positif, il a dit, et j'ai l'attribut de, en ce qui concerne, je vois, et j'ai l'attribut, c'est-à-dire l'attribut de la vue, et l'attribut de lui. Et ça, ça existe, le fait de commencer par le négatif, et ensuite aller au positif, ça existe dans le Coran. C'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, « فَمَنْ يَفْرْ بِالْتَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ وَسْقَى » Il a dit, « Quiconque mécroit, yakur, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَغُوتِ, quiconque mécroit au rebelle, au tarout, et croit en Allah, celui-là, il s'est accroché alors à l'anse la plus solide. » Donc Allah ta'ala a commencé par quoi? On doit d'abord faire le kufr du tarout, ça c'est le négatif. Ensuite, tu fais le positif, tu vas faire l'iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il faut faire d'abord éloigner les défauts, éloigner le mauvais, le mal, ensuite maintenir et décrire avec le bien et le beau, etc. C'est comme ici, tu dois faire le kufr, tu mécrois au tarout, ensuite tu dis je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que personne ne rentre en islam s'il fait passer deux choses-là. Il commence par non, il dit la ilaha illallah, il dit là, non. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas. La ilaha, il n'y a pas. Ensuite, ça c'est, il enlève les défauts, c'est le négatif. Ensuite, c'est le positif. Illallah, sauf Allah. Sauf Allah. J'ai bien dit sauf Allah. Si je dis seulement la ilaha, je suis kafir. J'ai dit, il n'y a pas de Dieu. C'est pour ça que je dois dire, illallah. Donc j'ai commencé par enlever les défauts, qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse être avec eux. Ensuite, j'ai dit, sauf Allah. Commencer par le moins, ensuite le positif. C'est pour ça qu'on dit La ilaha illallah. C'est avec cette phrase qu'on rentre en islam, avec bien sûr Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un peu pour donner, yani, par raisonnement, c'est un peu si on avait un verre dans lequel on voudrait mettre du lait. Mais ce verre contient déjà de l'eau, il contient du vin. Je ne sais pas ce qu'il contient. Est-ce que je pourrais mettre le lait? Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Éloigner et verser ce qu'il y a dans le verre. Je verse, je jette ce qu'il y a dans le verre et je mets ce que je vais boire. La même chose. Ici, Allah Azza wa Jalla a dit, Fanyuk for betarot. Tu dois d'abord mécroire en les autres dieux, les faux dieux. Ensuite, tu dois croire. Ça veut dire, tu dois d'abord vider ton cœur de ce qu'il y a comme faux pour le remplir de ce qu'il y a comme juste. Ça veut dire en d'autres termes. Si tu laisses ton cœur qui est plein de faux, le vrai ne va pas trouver la place. Naam, ton cœur, il est plein de faux. Comment tu vas lui rendre le juste? Plein d'obscurité. Tu vas faire entrer la lumière. Le cœur est plein de bida et innovation. Comment qu'on va lui rentrer la sunna? C'est comme ça. Donc la Ta'ala a dit, on doit d'abord faire le kof, mécroire dans tout ce qui est faux, c'est-à-dire faire vider le cœur, ensuite le remplir de il n'y a que des dieux, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Tous les autres, ce sont certes des dieux, mais des dieux faux, auxquels on ne doit pas donner de l'intention, et encore moins, on doit les adorer. Ensuite, quand il a dit, Laysa kamithlihi shay, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit, rien ne lui ressemble. Rien. Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmoud dit, ici le mot rien, nakira fi siyaq an-nafi. Il dit, c'est venu dans un contexte de négation. Et c'est une nakira. Nakira, ça veut dire, c'est pas, comme on dit pas en français, par exemple, on dit, le boucher. Ensuite, si on enlève le, ça devient boucher seulement. Il a dit ici, il n'y a pas les articles. Il n'y a pas les articles. C'est nakira. On ne dit pas, par exemple, le monsieur. On dit monsieur, c'est tout. Ça s'appelle nakira. Il a dit ici, c'est le mot rien est venu nakira et il est dans un contexte négatif. Et en islam, dans la sharia, quand quelque chose vient en nakira comme ça, et elle n'a pas l'article, et elle vient dans un contexte négatif, ça veut dire ça généralise. Quand il a dit, rien ne lui ressemble, ça veut dire dans tout, yani c'est général. Rien ne lui ressemble, abadan, abadan. Aucune créature ne peut ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan, abadan. Pourquoi ? À cause du nakira ici qui est venu dans un contexte négatif. Ensuite, il a dit, لأن الممثل الناقص بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا نعم même quand on veut comparer créateur on veut Allah subhanahu wa ta'ala est plus beau que la créature Allah subhanahu wa ta'ala est plus ceci que les gens Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant que ceci il a dit même quand on fait cela يعني, ça peut être un défaut des fois. Ça peut être un défaut. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, quand la chose, yani d'elle-même, tout le monde sait qu'elle a une très très grande valeur. Il a dit maintenant, si tu vas la comparer avec autre chose pour montrer qu'elle a de la valeur, il a dit, ça sera, yani, tu vas faire descendre de sa valeur. Non, tu vas faire descendre de sa valeur. C'est comme si, par exemple, quelqu'un nous construisait comme ça, avec une grande boule jaune qui donne un peu de lumière, qui donne un peu de chaleur, il va nous dire, regardez, ça c'est le soleil. Ça c'est un soleil, c'est le vrai soleil, et il ressemble à l'autre soleil, le vrai d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous, quand on compare, on lui dit, notre soleil est plus beau, etc. Déjà, on a fait perdre de la valeur de notre soleil, notre vrai. Pourquoi ? Parce que c'est incomparable. Non, ce qui est incomparable, on ne doit pas le comparer. Parce que c'est incomparable. Il a dit à peu près comme, voilà, un poème, un poète qui avait dit autrefois, il avait dit, أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ إِذَا قِيلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَى. Qu'a dit ce poète ? A dit, ne vois-tu pas que l'épée, ou bien le sabre, yani l'épée, يَنْقُصُ قَدْرُهُ, l'épée perd sa valeur, si tu dis que l'épée est plus aiguisée ou la plus tranchante qu'un bâton. Non. Tu veux montrer que l'épée. Et mashallah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comparer avec le bâton. Et tu dis aux gens, écoutez, l'épée que j'ai, elle est plus aiguisée ou la plus tranchante que le bâton. Ils ont dit, si les Arabes disent, si tu dis comme ça, tu as dévalorisé un peu ton épée. Non, l'épée, ça se peut pas, le bâton ne peut pas se comparer à une épée, c'est impossible. C'est pas la peine, il n'y a pas de similitude, c'est pas la peine de dire que l'épée est mieux si on veut couper. Si on veut couper quelque chose, on ne prend pas le bâton, on prend une épée pour couper. Donc c'est pas la peine de dire qu'elle est plus tranchante que quoi ? Que le bâton. C'est comme ça, ici, bien sûr, Cheikh veut dire que, ça veut dire quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle de ses attributs, c'est pas la peine de dire qu'il est le plus haut. C'est connu par nature. C'est connu déjà par fait. Alors. Ensuite, il a dit, وَفِي قَوْلِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, quand Allah Azza wa Jalla a dit, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, rien ne lui ressemble, رَدٌ صَارِحٌ عَلَى الْمُمَثْلِينَ. نعم, c'est un رد, يعني, qu'est-ce qu'on a dit en, yani, pour réfuter les délits de ceux qui disent quoi? De ceux qui disent qu'ils ressemblent aux créatures. Allah Ta'ala a dit, laïsa kamithlihi shay. Non, c'est un délit très très tranchant pour réfuter les délits de ceux qui disent ou qui font la ressemblance entre Allah Ta'ala et ses créatures. Il a dit, wa hujjatu ha'ula'i. Ceux qui font la ressemblance, c'est quoi leur délit? Ils disent, in le Coran arabe. Ils disent, le Coran est descendu en langue arabe. Wa idha kan arabiyan. Et s'il est en arabe, faqad khatabana Allah ta'ala bimakam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé avec une langue comprensible. Donc Allah nous a parlé avec une langue qu'on comprend. Tayyib. ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم. C'est impossible qu'il nous parle avec une langue qu'on ne comprend pas. وقد خاطبنا الله تعالى. Alors, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إن له وجها. Il a un visage. Hein? Il a dit dans le Coran, il a un visage. إن له عينا. Il a dit, il a un œil. bien sûr deux, il a dit, il a deux mains, la huyadain, la huyadain, wa ma ashbaha dhalik, etc. Wa nahnu la na'aqil bi muqtada al-lugha al-arabiyyati min hadhihi al-ashya illa mithl ma nushahid. Et nous, étant arabes, et le Coran étant arabe, on ne comprend des yeux, des mains et du visage que ce qu'on connaît. Les mains, donc voilà, il a des mains comme nos mains, il a un visage comme notre visage, il a des yeux comme notre yeux, comme nos yeux. Voilà, ils ont dit, voilà le délit. Le Coran est en arabe, et en arabe, œil, ça veut dire, voilà l'œil que j'ai moi. La main, c'est la main que j'ai, et la même chose, le visage, etc. Fayyadjib, أن يكون مدلول هذه كلمة مماثلة لمدلولها بالنسبة للمخلوقات. On dit donc, يد d'Allah سبحانه وتعالى doit être comme sa main, comme notre main. Ses yeux, comme nos yeux, son visage, comme nos visages. Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله dit, pour réfuter يعني, ce mensonge, pour réfuter ce mensonge et cette bêtise, cette grande bêtise, il a dit, ولا شك أن هذه الحجة وهي. C'est sûr que ce délit est très très faible, est très très faible. D'ailleurs, ce n'est même pas un dalil. Yuhiha ma sabaqa min bayan inna Allah laysa kamithlihi shay. Le dalil, le plus grand dalil pour réfuter cette bêtise, c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Naam, s'il avait une main comme nos mains et un visage comme notre visage, il avait des choses comme on en a nous. Pourquoi il aurait dit dans le Coran laysa kamithlihi shay? Pourquoi il a dit dans le Coran rien ne me ressemble, mais je ne ressemble à rien? Pourquoi il va dire cela? Donc, il va nous faire rentrer dans l'ambiguïté. D'un côté, il se décrit avec deux mains, deux yeux, un visage. D'un autre côté, il va dire « je ne ressemble à rien ». Donc, on va rentrer dans l'ambiguïté. Mais, un sunna ou jama'a peuvent joindre entre les deux. Entre, il a des attributs et entre, rien ne lui ressemble. Naam, ils joignent entre les deux. En même temps, ils maintiennent ses attributs et en même temps, ils disent « rien ne lui ressemble ». Et Cheikh Ibn Uthaymeen va donner le dalil que j'ai donné plusieurs fois. Il a dit, tout le monde peut voir que le chameau a une main et la fourmi a une main. Et personne ne comprend que la main du chameau ressemble à la main de la fourmi. Ne comprend pas. Il a dit, si, donc, en ce qui concerne les créatures, elles ne se ressemblent pas. Qu'en est-il entre création et créateur? Qu'en est-il? Les créations elles-mêmes, les créatures, les choses que l'Allah a créées, elles ont des choses qui s'appellent par le même nom, mais elles ne se ressemblent pas. Le chameau a quelque chose qui s'appelle main, et la fourmi a quelque chose qui s'appelle main, et le gorille a quelque chose qui s'appelle main. Et l'être humain a quelque chose qui s'appelle main, mais la main ici, ici, ici, ici, ce n'est pas la même chose. Alors, puisque tu reconnais que ça peut s'appeler de la même façon sans se ressembler, alors ajoute aussi, comme tu as dit la fourmi, le singe, dis aussi Allah. Allah aussi a une main, et rien ne lui ressemble. Et sa main ne ressemble pas à la main dans des choses qu'on vient de citer. Ensuite, l'Azza wa Jal a dit, « Wa huwa al-sami'u al-basir. » Il a dit, « Rien ne lui ressemble. »« Wa huwa al-sami'u al-basir. » Et c'est lui l'audion et le clairvoyant. « Sami'u al-basir » ce sont bien sûr deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous savez que chaque nom a un attribut. Chaque nom a un attribut et pas le contraire. Et ce n'est pas l'attribut qui a le nom. Mais chaque nom a un attribut. Ici, quand il a dit Samir, l'audion, donc son attribut c'est quoi? C'est Louis. Louis. C'est ça l'attribut. Et le nom c'est Samir, l'audion. Quand il a dit le Basir, c'est le clairvoyant, celui qui voit. Et l'attribut c'est quoi? L'attribut c'est la vue. Naam, c'est la vue. Il a dit فَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ. Allah Azza wa Jal s'est décrit de deux attributs, l'ouïe et la vue. Pourquoi? Libayan kamalih, pour montrer sa perfection. Naam, c'est pour montrer sa perfection. Il a dit, wa naqsul asnam allati tu'bad min dunihi. C'est pour montrer d'un côté sa perfection et de l'autre côté montrer les défauts des statues que les gens adorer à sa place. Naam. C'est pour montrer les statues, le défaut des statues que les gens adoraient à sa place. C'est pourquoi il y a une règle ici, que Cheikh n'a pas cité, peut-être qu'elle viendra inshallah ta'ala, où il est dit que quiconque enlève un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, il n'a pas cette chose, cet attribut, il n'a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, tu l'as décrit avec le contraire. Naam. Quand tu nies un attribut, des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, dont il s'est décrit, ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, ça veut dire que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, je dis bien que tu le veuilles, ça veut dire que tu as décrit Allah subhanahu wa ta'ala avec le contraire. Je donne un exemple très simple. Quand tu dis Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas, non, je dis qu'il ne voit pas. C'est pas possible. Ou là, bon, tout le monde dit peut-être qu'il voit. Je dis il n'a pas d'yeux. Pourquoi il n'a pas d'yeux? Parce que ce sont les gens qui ont des yeux. Ce sont les gens, les bêtes, les animaux qui ont des yeux. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Hacha. Alors ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit sans le vouloir que Allah ta'ala est aveugle. Ma'adallah, astaghfirullah. Naam. Et quand tu dis Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas, ça veut dire sans le vouloir, tu as dit Allah subhanahu wa ta'ala est muet. Quand tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, non, il n'entend pas. Pas possible. Ce sont les gens qui entendent les animaux, c'est pas Allah. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala est sourd. Naam. Quand tu as dit Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'avait pas de main, tu as dit que Allah subhanahu wa ta'ala est manchot. Et comme ça. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyi al-'azim. Donc, ça viendra, inshallah. Je suis sûr que ça viendra dans le livre, inshallah ta'ala. Maintenant, Cheikh Lahmou a dit, donc, quand il dit qu'il a des attributs, c'est pour montrer sa perfection et montrer le défaut de quoi? Des autres dieux. C'est pas seulement des statues, des autres dieux. Naam, des autres dieux. Il y en a, par exemple, qui adore le soleil. L'Azul a dit, moi, je vois, et j'entends. Ça veut dire que le soleil, il n'entend pas, il ne voit pas. D'autres adorent un arbre, d'autres adorent un rocher, d'autres adorent. Allah a dit, moi, l'année, qu'est-ce que j'ai? Entre autres, bien sûr, j'ai la vue et j'ai l'ouïe. Et j'ai l'ouïe. Ça veut dire que les autres, ils n'en ont pas. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Non. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer que vous adorez montrer au kuffar. C'est des choses par Allah ta'ala qui ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que déjà, elles ne voient pas et elles n'entendent pas. Ces choses que vous adorez, elles ne vous voient pas. Mais moi, je vous vois que vous êtes en train de m'adorer et en train de me faire des doigts. Je vous vois. Ensuite, Dieu vous entend. Et les autres dieux et les statues ne vous entendent pas. Comme il a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Allah Ta'ala crée, et cela ne crée pas. Et sont eux-mêmes créés. D'ailleurs, ils sont créés. Non seulement ils ne créent pas, mais ils ont été créés. Ensuite, il a dit, أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّنَا Il a dit, ce sont des morts. Ce ne sont même pas des vivants. Ce sont des choses mortes. Il a dit, des gens qui, par exemple, ils vont adorer les morts. Comme maintenant, par exemple, beaucoup de musulmans, ils vont chez les morts. Le mort est mort. Allah yirahmo, si c'est un musulman. Et on va lui demander des choses que le seul Allah Azza wa Jalla peut donner. Les enfants, faire tomber la pluie, etc. Ces choses, seul Allah Azza wa Jalla peut les faire. C'est pour ça que ça devient un shirk akbar. Ça devient de la grande association. L'associationnisme, le grand. Il y en a qui fait rentrer à Jahannam et ne fait plus ressortir de Jahannam. Donc Allah Azza wa Jalla veut nous montrer. C'est comme s'il veut nous dire, faites travailler un peu vos cerveaux. Faites travailler un peu votre cerveau. Subhanallah. Vous demandez à des choses ou à des personnes qui n'entendent pas, et en même temps ne voient pas. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre verset, Afwan, il a dit, Inna alladhina tad'una min duni du'a'akum. Il a dit que ceux qui hors de Allah n'entendent pas vos invocations. Non, ils n'entendent pas vos invocations. Walaw sami'u. Il a dit, premièrement, ils n'entendent pas. Deuxièmement, وَلَوْ سَمِعُوا دُعَاءَكُمْ مَسْتَجَبُوا لَكُمْ. Deuxièmement, Et même s'ils entendaient, ils ne pourraient vous répondre. Ils ne pourraient vous répondre, jamais. Il a dit, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Et le jour du jugement dernier, bien sûr, ils sont contre vous, car ils vont nier votre association. Ils vont dire, أَعُوذُ بِاللَّهِ, vous étiez des associateurs, vous êtes venus à la tombe me demander des choses, moi j'étais mort, alhamdoulilah, moi, je ne suis pas un dieu pour que vous veniez chez moi et me demandiez des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala vous a égaré. Si ça se coupe, je saurai, je reviens. Si ça se coupe, je saurai, je reviens. Il a dit, vous perdez votre temps et je... Donc si ça commence le problème, je vais sortir. Ça y est. Allez, on termine et on va voir. On termine et on va voir. Ça y est. Il a dit, et ce que vous invoquez, ce qui vous invoquez, en dehors de l'invocation, et même dit, il ne pourrait vous répondre. Est-ce que nous, quand on va à la tombe, pas nous, les mouchidikounes, quand ils vont à la tombe, ils vont demander au celui qui est mort de leur, à la tombe, demander de lui donner bébé parce que elle est stérile. Est-ce que ce mort-là va l'entendre? Et s'il l'entendait, maintenant supposons qu'il l'entende, est-ce qu'il peut lui donner? Est-ce que s'il l'entendait, il peut lui donner? C'est impossible. C'est impossible que même s'il l'entendait, c'est impossible qu'il pouvait lui donner quelque chose. Alors que bien sûr, il n'entend pas. Et même s'il l'entendait, il ne pourrait rien lui donner. Ensuite, Cheikh Lahmo a dit, وَإِيمَانُ الْإِنْسَانِ بِذَلِكَ يُثْمِرُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُعَظِّمَهُ غَايَةَ التَّعْظِيمِ. Il a dit, quand quelqu'un, en le croyant, a la foi, il croit en ces choses, il croit que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, entend, et voit, ça donne un fruit à cette personne, ça donne un fruit en son cœur. C'est quoi cet fruit? C'est de yani, connaître que Allah subhanahu wa ta'ala yani, yu'azzimu subhanahu wa ta'ala a vraiment, yani, vraiment, vraiment il ne ressemble pas à ses créatures. Il est vraiment yani, azim, c'est le grand, le très grand. C'est le grand, c'est le très grand. Il est azim. Il a dit, parce qu'il ne ressemble à aucune créature. Non, il ne ressemble à aucune créature. Et si maintenant, tu crois par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala entend. Donc, quel est le fruit? Le fruit que ça va donner, que je sache que Allah subhanahu wa ta'ala entend. Le fruit que ça va donner, فَإِنَّكَ سَوْفَ تَحْتَرِزُ عَنْ كُلِّ قَوْلٍ يُغْرِبُ اللَّهِ. Naam. Maintenant que tu es sûr que Allah subhanahu wa ta'ala entend, tu as noué ça dans ton cœur, donc maintenant tu ne vas plus dire les choses qui, yani, rendent Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Le courroux. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est en train de t'entendre. Naam. C'est pour ça que chaque personne qui dit par exemple des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, comme par exemple insulte, disent des mots, des gros mots, etc. Cette personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son iman, sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala est faible. Naam. Ou alors, sa foi est faible spécialement en cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est lui, qui l'entend. Parce que des fois, le shaitan, quand il est avec nous, et khlas, le shaitan nous a coincés, il te fait oublier beaucoup de choses. Toi, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala entend. Mais, tu es dans un cercle de tentation où tu peux dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, lui, est devenu très faible chez toi. Naam. Cet attribut est devenu très faible chez toi. La même chose, quand tu as reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala voyait. Maintenant que tu as reconnu Allah subhanahu wa ta'ala voit, ça veut dire que ça va donner un fruit, lequel, c'est que tu ne fasses rien, qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va le voir, ça va le rendre courroucé contre toi. Naam. Sinon, il n'y a pas de différence. Maintenant, si tu sais qu'il voit, et tu fais des choses qu'il n'aime pas, et tu sais qu'il t'entend, et tu dis les choses qu'il n'aime pas. Donc, quelle est la différence entre nous et celui qui ne croit pas en les attributs d'Allah? Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla a voulu nous montrer ses attributs, nous les faire connaître. Car, avec chaque attribut, tu as une adoration spéciale. Naam. Avec l'attribut que Allah Ta'ala voit, tu dois ne pas faire les choses qu'il n'aime pas voir. Et avec l'attribut, tu as reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala entend, tu ne dois pas dire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas entendre. Sinon, que tu saches tous les attributs d'Allah et que ça ne te porte pas un fruit, ça, franchement, ce n'est pas la peine de les savoir. C'est pour ça que, bon, est-ce qu'il y a le son ou là, il n'y a pas? Zinjabil, il y a le son ou là, il n'y a pas? Parce qu'on me dit ça se coupe. Tayyib. Naam, parce que ce qu'il dit ici, ah, d'accord, Alhamdoulilah. Je crois que je dois tenir le micro comme ça devant ma bouche, parce que quand je tourne à droite et à gauche, il n'y a pas de son, je crois que ça se coupe. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je disais que, donc, inshallah ta'ala, se trompent beaucoup se trompent ceux qui croient. Qui croient quoi? Qui croient que, naam, qui croient que, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans son hadith qui est sahih, il a dit que Allah Azza wa Jal avait 100 noms, sauf un, 99. Quiconque les connaîtra ira au paradis. Se trompent beaucoup ceux qui croient que je vais apprendre les 100 noms par cœur. Et je vais m'asseoir et je vais dire, Assalamu alaikum, Rahim, Rahman, Al-Ma'bou. Comme ça. 99 et je dis, Alhamdulillah, khlas, ma place est dans le paradis. Répète, Assalamu alaikum, Rahman, Rafour, Alhamdulillah, tu les connais, et toi, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, tu les connais, khlas, tu vas aller au paradis. Jamais. Ce n'est pas ça. Ça, un perroquet peut le faire. Je vais acheter un perroquet, du matin au soir, je vais lui apprendre ces choses. Il va pas rentrer au paradis, miskin. Pourtant, il les connaît peut-être mieux que moi. Un enfant de 5 ans, je lui apprends ça. Mais, il sait pas ce qu'il dit. La même chose. Quand tu apprends ces noms, ça veut dire que chaque nom, tu lui as donné son attribut, car chaque nom est un attribut. Et chaque attribut, tu lui as donné son fruit. Naam. Tu as dit, Allah Ta'ala, je reconnais qu'il entend, donc je ne vais plus dire des choses qu'il n'aime pas entendre. Tu reconnais que Allah Ta'ala voit, donc je vais plus faire les choses qu'il n'aime pas voir. Tu as reconnu que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est partout avec nous, donc à chaque instant, tu te dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que je suis en train de faire. Tu as reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les poitrines et dans les cœurs, tu vas essayer au maximum de pousser ce qu'il y a dans ton cœur pour qu'il ne soit pas, yani, inconforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, azza wa jal. Et comme ça. Ça, c'est ça. Attester les noms et attester les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ça n'a aucune valeur. Naam, c'est à peu près comme quelqu'un qui dit La ilaha illallah, je reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala seul mérite l'adoration. La ilaha illallah. C'est-à-dire, je reconnais que seul Allah azza wa jalla mérite l'adoration. Ensuite, je vais aller à la tombe et je vais dire à celui qui est mort déjà de lui donner des choses que seul Allah Azza wa Jalla peut donner. Je vais lui dire, ça fait longtemps que la pluie n'est pas tombée, on a beaucoup de problèmes ici, dans ce petit village, il y a Sidi Foulan, il y a Sidi Abdelkader, il y a Sidi Jilali, il y a Sidi Adrimen, fais-nous descendre la pluie. Donc ici, à quoi ça sert d'avoir dit La ilaha illallah, puisque je viens, de par ce fait, attester que ce mort est aussi un Allah, c'est aussi un Dieu. Je dis pas Allah, car Allah c'est un nom propre. C'est aussi un Dieu avec Allah. Parce que je l'ai mis à égalité avec lui. Comme Allah peut donner la pluie, ce mort peut aussi la donner. Je dirais pire que cela. Celui-là est mieux peut-être que Allah. Parce que la preuve, je n'ai pas demandé à Allah de faire de descendre la pluie, mais j'ai demandé aux morts. J'ai préféré aller aux morts et lui demander. Ça veut dire que dans mon cœur, ce mort a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus yani, de possibilité de me faire descendre la pluie que Allah. Naam, sinon j'aurais demandé à Allah. Mais j'ai préféré aller à la tombe. Ça veut dire que pour moi, celui-là est beaucoup plus sûr qu'il va me donner la pluie. C'est pas Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. C'est pour ça qu'Allah ta'ala a dit dans le Coran, un verset qui fait peur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Il a dit, نعم, beaucoup de croient en Allah, mais ils croient, et en même temps, en faisant de l'associanisme. نعم, ils croient, mais en faisant de l'associanisme. Ça veut dire, ils croient en moi, dans ma seigneurie, dans ma rububiya, mais ils ne croient pas en moi, dans ma divinité. Naam. Il croit en moi que naam, je descends la pluie, je fais vivre, je fais mourir, je fais marcher le soleil, je fais la nuit, je fais des étoiles dans le ciel, et c'est Rububiya. La seigneurie, je suis le seigneur. Mais question de divinité, est-ce que c'est à moi qu'il demande? Est-ce que c'est à moi qu'ils font le tawakkul sur moi? Est-ce que c'est pour moi qu'ils font la prière? Est-ce que c'est pour moi qu'ils...